Depuis quelque temps, Gourgu couchait à la maison, afin de terminer plus vite le raccommodage du meuble. La perspective d'un déplacement le contraria, et comme il parlait des menhirs et des tumulus qu'il comptait voir, « Je connais mieux, leur dit-il, en Algérie, dans le sud, près des sources de Boumoursoug, on en rencontre des quantités. » Il fit même la description d'un tombeau, ouvert devant lui, par hasard, et qui contenait un squelette, accroupi comme un singe, les deux bras autour des jambes. L'arçonneur, qu'ils instruisirent du fait, n'en voulut rien croire. Bouvard approfondit la matière et le relança. Comment se fait-il que les monuments des Gaulois soient informes, tandis que ces mêmes Gaulois étaient civilisés au temps de Jules César? Sans doute ils proviennent d'un peuple plus ancien. Une telle hypothèse, selon l'arçonneur, manquait de patriotisme. N'importe, rien ne dit que ces monuments soient l'œuvre des Gaulois. Montrez-nous un texte. L'académicien se fâcha, ne répondit plus. Et ils en furent bien aises, tant les druides les ennuyaient. S'ils ne savaient à quoi s'en tenir sur la céramique et sur le celticisme, c'est qu'ils ignoraient l'histoire, particulièrement l'histoire de France. L'ouvrage d'Anquetil se trouvait dans leur bibliothèque, mais la suite des rois feignants les amusa fort peu. La scélératesse des maires du palais ne les indigna point, et ils lâchèrent Anquetil, rebuté par l'ineptie de ses réflexions. Alors ils demandèrent à Dumouchel quelle est la meilleure histoire de France. Dumouchel prit en leur nom un abonnement à un cabinet de lecture et leur expédia les lettres d'Augustin Thierry, avec deux volumes de M. de Génoude. D'après cet écrivain, la royauté, la religion et les assemblées nationales, voilà les principes de la nation française, lesquels remontent aux Mérovingiens. Les Carlovingiens y ont dérogé. Les Capétiens, d'accord avec le peuple, s'efforcèrent de les maintenir. Sous Louis XIII, le pouvoir absolu fut établi. Pour vaincre le protestantisme, dernier effort de la féodalité, et 89 est un retour vers la constitution de nos aïeux. Pécuchet admira ces idées. Elles faisaient pitié à Bouvard, qui avait lu Augustin Thierry d'abord. « Qu'est-ce que tu me chantes avec ta nation française, puisqu'il n'existait pas de France ni d'Assemblée nationale, et les Carlovingiens n'ont rien usurpé du tout, et les rois n'ont pas affranchi les communes. Lis-toi-même. » Pécuchet se soumit à l'évidence, et bientôt le dépassa en rigueur scientifique. Il se serait cru déshonoré s'il avait dit Charlemagne et non Karl le Grand, Clovis au lieu de Clodoville. Néanmoins, il était séduit par Génoude, trouvant habile de faire se rejoindre les deux bouts de l'histoire de France, si bien que le milieu est du remplissage. Et pour en avoir le cœur net, ils prirent la collection de Buchez et Roux. Mais le pathos des préfaces, cet amalgame de socialisme et de catholicisme, les écœura. Les détails trop nombreux empêchaient de voir l'ensemble. Ils recoururent à M. Thiers. C'était pendant l'été de 1845, dans le jardin, sous la tonnelle. Pécuchet, un petit banc sous les pieds, lisait tout haut de sa voix caverneuse, sans fatigue, ne s'arrêtant que pour plonger les doigts dans sa tabatière. Bouvard l'écoutait, la pipe à la bouche, les jambes ouvertes, le haut du pantalon déboutonné. Des vieillards leur avaient parlé de 93, et des souvenirs presque personnels animaient les plates descriptions de l'auteur. Dans ce temps-là, les grandes routes étaient couvertes de soldats qui chantaient la Marseillaise. Sur le seuil des portes, des femmes assises cousaient de la toile pour faire des tentes. Quelquefois arrivait un flot d'hommes en bonnet rouge, inclinant au bout d'une pique une tête décolorée, dont les cheveux pendaient. La haute tribune de la Convention dominait un nuage de poussière où des visages furieux hurlaient des cris de mort. Quand on passait au milieu du jour près du bassin des Tuileries, on entendait le heurt de la guillotine, pareil à des coups de mouton. Et la brise remuait les pampres de la tonnelle. Les orges mûres se balançaient par intervalles. Un merle sifflait. En portant des regards autour d'eux, ils savouraient cette tranquillité. Quel dommage que, dès le commencement, on ait pu s'entendre, car si les royalistes avaient pensé comme les patriotes, si la cour avait mis plus de franchise et ses adversaires moins de violence, bien des malheurs ne seraient pas arrivés. À force de bavarder là-dessus, ils se passionnèrent. Bouvard, esprit libéral et cœur sensible, fut constitutionnel, girondin, thermidorien. Pécuchet, bilieux et de tendance autoritaire, se déclara sans culotte, et même robespierriste. Il approuvait la condamnation du roi, les décrets les plus violents, le culte de l'être suprême. Bouvard préféra celui de la nature. Il aurait salué avec plaisir l'image d'une grosse femme, versant de ses mamelles à ses adorateurs non pas de l'eau, mais du chambertin. Pour avoir plus de fait à l'appui de leurs arguments, ils se procurèrent d'autres ouvrages, Montgaillard, Prudhomme, Galois, La Crotelle, etc. Et les contradictions de ces livres ne les embarrassaient nullement. Chacun y prenait ce qui pouvait défendre sa cause. Ainsi Bouvard ne doutait pas que Danton eût accepté 100 000 écus pour faire des motions qui perdraient la République. Et selon Pécuchet, Vergniaud aurait demandé 6 000 francs par mois. Jamais de la vie. Explique-moi plutôt pourquoi la sœur de Robespierre avait une pension de Louis XVIII. Pas du tout, c'était de Bonaparte. Et puisque tu le prends comme ça, quel est le personnage qui, peu de temps avant la mort d'Égalité, eut avec lui une conférence secrète? Je veux qu'on réimprime dans les mémoires de la Campan les paragraphes supprimés. Le décès du dauphin me paraît louche. La poudrière de Grenelle en sautant tua 2 000 personnes. Cause inconnue, dit-on, quelle bêtise! Car Pécuchet n'était pas loin de la connaître, et rejetait tous les crimes sur les manœuvres des aristocrates lors de l'étranger. Dans l'esprit de Bouvard, montez au ciel, fils de Saint-Louis, les vierges de Verdun et les culottes en peau humaine étaient indiscutables. Il acceptait les listes de Prudhomme, 1 million de victimes tout juste. Mais la Loire rouge de sang depuis Saumur jusqu'à Nantes, dans une longueur de 18 lieues, le fit songer. Pécuchet également conçut des doutes, et ils prirent en méfiance les historiens. La Révolution est pour les uns un événement satanique. D'autres la proclament une exception sublime. Les vaincus de chaque côté, naturellement, sont des martyrs. Thierry démontre, à propos des barbares, combien il est sot de rechercher si tel prince fut bon ou fut mauvais. Pourquoi ne pas suivre cette méthode dans l'examen des époques plus récentes? Mais l'histoire doit venger la morale. On est reconnaissant à Tacite d'avoir déchiré Tibère. Après tout, que la reine ait eu des amants, que Dumouriez d'Evalmy se proposa de trahir, en prairial que ce soit la montagne où la Gironde ait commencé, et en Thermidor les Jacobins ou la plaine, qu'importe au développement de la Révolution, dont les origines sont profondes et les résultats incalculables. Donc, elle devait s'accomplir, être ce qu'elle fut, mais supposer la fuite du roi sans entrave, Robespierre s'échappant ou Bonaparte assassiné. Hasard qui dépendait d'un aubergiste moins scrupuleux, d'une porte ouverte, d'une sentinelle endormie, et le train du monde changeait. Il n'avait plus sur les hommes et les fêtes de cette époque une seule idée d'aplomb. Pour la juger impartialement, il faudrait avoir lu toutes les histoires, toutes les mémoires, tous les journaux et toutes les pièces manuscrites, car de la moindre omission, une erreur peut dépendre qui en amènera d'autres à l'infini. Ils y renoncèrent. Mais le goût de l'histoire leur était venu, le besoin de la vérité pour elle-même. Peut-être est-elle plus facile à découvrir dans les époques anciennes. Les auteurs, étant loin des choses, doivent en parler sans passion. Et ils commencèrent le bon Rollin. « Quel tas de balivernes !» s'écria Bouvard dès le premier chapitre. « Attends un peu, » dit Pécuchet, en fouillant dans le bas de leur bibliothèque, où s'entassaient les livres du dernier propriétaire, un vieux jurisconsulte, maniaque et bel esprit. Et ayant déplacé beaucoup de romans et de pièces de théâtre, avec un Montesquieu et des traductions d'Horace, il atteignit ce qu'il cherchait, l'ouvrage de Beaufort sur l'histoire romaine. Tite Live attribue la fondation de Rome à Romulus. Salluste en fait l'honneur aux Troyens d'aînés. Coriolan mourut en exil selon Fabius Pictor, par les stratagèmes d'Attius Tullus, si l'on en croit Denis. Sénèque affirme qu'Horatius Coclès s'en retourna victorieux. Dion qu'il fut blessé à la jambe. Et la Motte, le Vaillère, émet des doutes pareils relativement aux autres peuples. On n'est pas d'accord sur l'antiquité des Chaldéens, le siège d'Homère, l'existence de Zoroastre, les deux empires d'Assyrie. Quintecurse a fait des comptes, plus tard que dément Hérodote. Nous aurions de César une autre idée si le Vercingétorix avait écrit ses commentaires. L'histoire ancienne est obscure par le défaut de documents. Ils abondent dans la moderne. Et Bouvard et Pécuchet revinrent à la France, entamèrent Sismondi. La succession de tant d'hommes leur donnait envie de les connaître plus profondément, de s'y mêler. Ils voulaient parcourir les originaux, Grégoire de Tours, Monstrelet, Comines, tous ceux dont les noms étaient bizarres ou agréables. Mais les événements s'embrouillèrent, faute de savoir les dates. Heureusement qu'ils possédaient la mnémotechnie de Dumouchel, un Indus cartonné, avec cette épigraphe « Instruire en amusant ». Elle combinait les trois systèmes d'Halévy, de Paris et de Fénègle. Halévy transforme les chiffres en figures, le nombre 1 s'exprimant par une tour, 2 par un oiseau, 3 par un chameau, ainsi du reste. Paris frappe l'imagination au moyen de rébus. Un fauteuil garni de clous à vis donnera clou, vis égale clovis. Et comme le bruit de la friture fait ric, gric des merles dans une poêle, rappelleront Chilpéric. Fénègle divise l'univers en maisons, qui contiennent des chambres ayant chacune 4 parois à 9 panneaux, chaque panneau portant un emblème. Donc le premier roi de la première dynastie occupera dans la première chambre le premier panneau. Un phare sur un mont dira comment il s'appelait phare à mont, système Paris, et d'après le conseil d'Halévy, en plaçant au-dessus un miroir qui signifie 4, un oiseau 2 et un cerceau 0, on obtient 420, date de l'avènement de ce prince. Pour plus de clarté, ils prirent comme base mnémotechnique leur propre maison, leur domicile, attachant à chacune de ces parties un fait distinct. Et la cour, le jardin, les environs, tout le pays n'avait plus d'autre sens que de faciliter la mémoire. Les bornages dans la campagne limitaient certaines époques. Les pommiers étaient des arbres généalogiques, les buissons des batailles, le monde devenait symbole. Ils cherchaient sur les murs des quantités de choses absentes, finissaient par les voir, mais ne savaient plus les dates qu'elles représentaient. D'ailleurs, les dates ne sont pas toujours authentiques. Ils apprirent dans un manuel pour les collèges que la naissance de Jésus doit être reportée 5 ans plus tôt qu'on ne la met ordinairement, qu'il y avait chez les Grecs 3 manières de compter les Olympiades et 8 chez les Latins de faire commencer l'année. Autant d'occasions pour les méprises, outre celles qui résultent des zodiaques, des airs et des calendriers différents. Et de l'insouciance des dates, ils passèrent au dédain des fêtes. Ce qu'il y a d'important, c'est la philosophie de l'histoire. Bouvard ne put achever le célèbre discours de Bossuet. L'aigle de Meaux est un farceur. Il oublie la Chine, les Indes et l'Amérique, mais a soin de nous apprendre que Théodose était la joie de l'univers, qu'Abraham traitait d'égal avec les rois et que la philosophie des Grecs descend des Hébreux. Sa préoccupation des Hébreux m'agace. Pécuchet partagea cette opinion et voulut lui faire lire Vico. Comment admettre, objectait Bouvard, que des fables soient plus vraies que les vérités des historiens? Pécuchet tâcha d'expliquer les mythes, se perdait dans la Scienza Nuova. N'iras-tu le plan de la Providence? Je ne le connais pas, dit Bouvard. Et ils décidèrent de se rapporter à Dumouchel. Le professeur avoua qu'il était maintenant dérouté en fait d'histoire. Elle change tous les jours. On conteste les rois de Rome et les voyages de Pythagore. On attaque Bélisaire, Guillaume Tell et jusqu'au Cid, devenu grâce aux dernières découvertes un simple bandit. C'est à souhaiter qu'on ne fasse plus de découvertes, et même l'Institut devrait établir une sorte de canon, prescrivant ce qu'il faut croire. Il envoyait en post-christum des règles de critique prises dans le cours de Donou. Citer comme preuve le témoignage des foules, mauvaise preuve, elles ne sont pas là pour répondre. Rejeter les choses impossibles, on fit voir à Pausanias la pierre avalée par Saturne. L'architecture peut mentir, exemple l'arc du Forum, où Titus est appelé le premier vainqueur de Jérusalem, conquise avant lui par Pompée. Les médailles trompent quelquefois. Sous Charles IX, on bâtit des monnaies avec le coin d'Henri II. Tenez en compte l'adresse des faussaires, l'intérêt des apologistes et des calomniateurs. Peu d'historiens ont travaillé d'après ces règles, mais tous en vue d'une cause spéciale, d'une religion, d'une nation, d'un parti, d'un système où pour commander les rois, conseiller le peuple, offrir des exemples moraux. Les autres, qui prétendent narrer seulement, ne valent pas mieux, car on ne peut tout dire, il faut un choix, mais dans le choix des documents, un certain esprit dominera. Et comme il varie, suivant les conditions de l'écrivain, jamais l'histoire ne sera fixée. C'est triste, pensait-il. Cependant, on pourrait prendre un sujet, épuiser les sources, en faire bien l'analyse, puis le condenser dans une narration qui serait comme un raccourci des choses, reflétant la vérité tout entière. Une telle œuvre semblait exécutable à Pécuchet. Veux-tu que nous essayions de composer une histoire? Je ne demande pas mieux, mais laquelle? Effectivement, laquelle? Bouvard s'était assis. Pécuchet marchait de long en large, dans le musée, quand le pot à beurre frappa ses yeux, et s'arrêtant tout à coup. Si nous écrivions la vie du duc d'Angoulême? Mais c'était un imbécile, répliqua Bouvard. Qu'importe, les personnages du second plan ont parfois une influence énorme. et celui-là peut-être tenait le rouage des affaires. Les livres leur donneraient des renseignements, et M. de Faverges en possédait sans doute par lui-même, ou par de vieux gentilshommes de ses amis. Ils méditèrent ce projet, le débattirent, et résolurent enfin de passer 15 jours à la bibliothèque municipale de Caen, pour y faire des recherches. Le bibliothécaire mit à leur disposition des histoires générales et des brochures, avec une lithographie coloriée, représentant de 3/4 Monseigneur le duc d'Angoulême. Le drap bleu de son habit d'uniforme disparaissait sous les épaulettes, les crachats et le grand cordon rouge de la Légion d'honneur. Un collet extrêmement haut enfermait son long cou. Sa tête piriforme était encadrée par les frisons de sa chevelure et de ses minces favoris. Et de lourdes paupières, un nez très fort et de grosses lèvres donnaient à sa figure une expression de bonté insignifiante. Quand ils eurent pris des notes, ils rédigèrent un programme. Naissance et enfance peu curieuse. Un de ses gouverneurs est l'abbé Guéné, l'ennemi de Voltaire. À Turin, on lui fait fondre un canon, et il étudie les campagnes de Charles VIII. Aussi est-il nommé, malgré sa jeunesse, colonel d'un régiment de gardes nobles. 97, son mariage. 1814, les Anglais s'emparent de Bordeaux, il accourt derrière eux, et montre sa personne aux habitants. Description de la personne du prince. 1815, Bonaparte le surprend. Tout de suite, il appelle le roi d'Espagne, et Toulon, sans Masséna, était livré à l'Angleterre. Opération dans le Midi. Il est battu, mais relâché sous la promesse de rendre les diamants de la couronne emportés au grand galop par le roi, son oncle. Après les 100 jours, il revient avec ses parents, et vit tranquille. Plusieurs années s'écoulent. Guerre d'Espagne. Dès qu'il a franchi les Pyrénées, la victoire suit partout le petit-fils de Henri IV. Il enlève le Trocadéro, atteint les colonnes d'Hercule, écrase les factions, embrasse Ferdinand et s'en retourne. Arc de triomphe, fleurs que présentent les jeunes filles, dîner dans les préfectures, tédéum dans les cathédrales. Les Parisiens sont au comble de l'ivresse. La ville lui offre un banquet. On chante sur les théâtres des allusions aux héros. L'enthousiasme diminue car en 1827, à Cherbourg, un bal organisé par souscription rate. Comme il est grand amiral de France, il inspecte la flotte, qui va partir pour Alger. Juillet 1830, Marmont lui apprend l'état des affaires. Alors il entre dans une telle fureur qu'il se blesse la main à l'épée du général. Le roi lui confie le commandement de toutes les forces. Il rencontre au bois de Boulogne des détachements de la ligne et ne trouve pas un seul mot à leur dire. De Saint-Cloud, il vole au pont de Sèvres. Froideur des troupes, ça ne l'ébranle pas. La famille royale quitte Trianon. Il s'assoit au pied d'un chêne, déploie une carte, médite, remonte à cheval, passe devant Saint-Cyr et envoie aux élèves des paroles d'espérance. À Rambouillet, les gardes du corps font leurs adieux. Il s'embarque et pendant toute la traversée est malade. Fin de sa carrière. On doit y relever l'importance qu'eurent les ponts. D'abord, il s'expose inutilement sur le pont de Lignes. Il enlève le pont Saint-Esprit et le pont de l'Oriol. À Lyon, les deux ponts lui sont funestes, et sa fortune expire devant le pont de Sèvres. Tableau de ses vertus. Inutile de vanter son courage, auquel il joignait une grande politique, car il offrit 60 francs à chaque soldat pour abandonner l'empereur. Et en Espagne, il tâcha de corrompre à prix d'argent les constitutionnels. Sa réserve était si profonde qu'il consentit au mariage projeté entre son père et la reine d'Étrurie, à la formation d'un cabinet nouveau, après les ordonnances à l'abdication en faveur de Chambord, à tout ce que l'on voulait. La fermeté pourtant ne lui manquait pas. À Angers, il cassa l'infanterie de la garde nationale, qui jalouse de la cavalerie, et au moyen d'une manœuvre, était parvenu à lui faire escorte, tellement que son Altesse se trouva prise dans les fantassins à en avoir les genoux comprimés. Mais il blâma la cavalerie, cause du désordre, et pardonna à l'infanterie, véritable jugement de Salomon. Sa piété se signala par de nombreuses dévotions, et sa clémence en obtenant la grâce du général de Bel, qui avait porté les armes contre lui. Détails intimes, traits du prince. Au château de Beauregard, dans son enfance, il prit plaisir avec son frère à creuser une pièce d'eau que l'on voit encore. Une fois, il visita la caserne des chasseurs, demanda un verre de vin et le but à la santé du roi. Tout en se promenant pour marquer le pas, il se répétait à lui-même « une, deux, une, deux, une, deux ». On a conservé quelques-uns de ces mots. À une députation de Bordelais, ce qui me console de n'être pas à Bordeaux, c'est de me trouver au milieu de vous. » Ou protestant de Nîmes. « Je suis bon catholique, mais je n'oublierai jamais que le plus illustre de mes ancêtres fut protestant. » Aux élèves de Saint-Cyr, quand tout est perdu. « Bien, mes amis, les nouvelles sont bonnes, ça va bien, très bien. » Après l'abdication de Charles X, « Puisqu'ils ne veulent pas de moi, qu'ils s'arrangent. » Et en 1814, à tout propos, dans le moindre village, plus de guerre, plus de conscription, plus de droits réunis. Son style valait sa parole, ses proclamations dépassaient tout. La première du comte d'Artois débutait ainsi. « Français, le frère de votre roi est arrivé. » Celle du prince. « J'arrive. Je suis le fils de vos rois. Vous êtes français. » Ordre du jour daté de Bayonne. « Soldat, j'arrive. » Une autre en pleine défection. « Continuez à soutenir avec la vigueur qui convient aux soldats français la lutte que vous avez commencée. La France l'attend de vous. » Dernière à Rambouillet. Le roi est entré en arrangement avec le gouvernement établi à Paris. Et tout porte à croire que cet arrangement est sur le point d'être conclu. Tout porte à croire et était sublime. Une chose me chiffonne, dit Bouvard, c'est qu'on ne mentionne pas ses affaires de cœur. Et il notait en marge, chercher les amours du prince. Au moment de partir, le bibliothécaire se ravisant, leur fit voir un autre portrait du duc d'Angoulême. Sur celui-là, il était en colonel de cuirassier, de profil, l'œil encore plus petit, la bouche ouverte, avec des cheveux plats voltigeants. Comment concilier les deux portraits? Avait-il les cheveux plats ou bien crépus? À moins qu'il ne poussât la coquetterie jusqu'à se faire friser. Question grave, suivant Pécuchet, car la chevelure donne le tempérament l'individu. Bouvard pensait qu'on ne sait rien d'un homme tant qu'on ignore ses passions, et pour éclaircir ces deux points-là, ils se présentèrent au château de Faverges. Le comte n'y était pas. Cela retardait leur ouvrage. Ils rentrèrent chez eux, vexés. La porte de la maison était grande ouverte. Personne dans la cuisine. Ils montèrent l'escalier, et que virent-ils au milieu de la chambre de Bouvard, Madame Bordin qui regardait de droite et de gauche. « Excusez-moi, dit-elle en s'efforçant de rire, depuis une heure je cherche votre cuisinière, dont j'aurai besoin pour mes confitures. » Ils la trouvèrent dans le bûcher sur une chaise, et dormant profondément. On la secoua. Elle ouvrit les yeux. « Qu'est-ce encore? Vous êtes toujours à me diguer avec vos questions. » Il était clair qu'en leur absence, Madame Bordin lui en faisait. Germaine sortit de sa torpeur et déclara une indigestion. « Je reste pour vous soigner, dit la veuve. » Alors ils aperçurent dans la cour un grand bonnet dont les barbes s'agitaient. C'était Madame Castillon, la fermière. Elle cria « Gorju, gorju !» Et du grenier, la voix de leur petite bonne répondit hautement « Il n'est pas là !» Elle descendit au bout de 5 minutes, les pommettes rouges en émoi. Bouvard et Pécuchet lui reprochèrent sa lenteur. Elle déboucla leur guêtre sans murmurer. Ensuite, ils allèrent voir le bahut. Ses morceaux épars se jonchaient le fournil. Les sculptures étaient endommagées, les battants rompus. À ce spectacle, devant cette déception nouvelle, Bouvard retint ses pleurs, et Pécuchet en avait un tremblement. Gorju, se montrant presque aussitôt, exposa le fait. Il venait de mettre le bahut dehors pour le vernir quand une vache errante l'avait jeté par terre. « À qui la vache ? » dit Pécuchet. « Je ne sais pas. » « Et vous aviez laissé la porte ouverte comme tout à l'heure ? C'est de votre faute. » Ils y renonçaient du reste. Depuis trop longtemps, ils les lanternaient, et ne voulaient plus de sa personne ni de son travail. Ces messieurs avaient tort. Le dommage n'était pas si grand. Avant 3 semaines, tout serait fini. Et Gorju les accompagna jusque dans la cuisine, où Germaine, en se traînant, arrivait pour faire le dîner. Ils remarquèrent sur la table une bouteille de calvados aux 3/4 vidée. « Sans doute par vous, dit Pécuchet à Gorju. Moi, jamais. » Bouvard objecta. « Vous étiez le seul homme dans la maison. » « Eh bien, et les femmes ?» reprit l'ouvrier avec un clin d'œil oblique. Germaine le surprit. « Dites plutôt que c'est moi. »« Certainement, c'est vous. Et c'est moi peut-être qui ai démoli l'armoire. » Gorju fit une pirouette. « Vous ne voyez donc pas qu'elle est saoule ?» Alors ils se chamaillèrent violemment, lui pâle gouailleur, elle empourprée et arrachant ses touffes de cheveux gris sous son bonnet de coton. Madame Bordin parlait pour Germaine, Mélie pour Gorju. La vieille éclata. « Si ce n'est pas une abomination, que vous passiez des journées ensemble dans le bosquet sans compter la nuit, espèce de parisien mangeur de bourgeoises, qui vient chez nos maîtres pour leur faire accroire des farces. » Les prunelles de Bouvard s'écarquillèrent. « Quelle farce ! Je dis qu'on se fiche de vous. »« On ne se fiche pas de moi, s'écria Pécuchet, et indigné de son insolence, Exaspéré par les déboires, il la chassa, qu'elle eut à déguerpir. Bouvard ne s'opposa point à cette décision, et ils se retirèrent, laissant Germaine pousser des sanglots sur son malheur, tandis que Madame Bordin tâchait de la consoler. Le soir, quand ils furent calmes, ils reprirent ces événements, se demandèrent qui avait bu le calvados, comment le meuble s'était brisé, que réclamait Madame Cassillon en appelant Gorju, et s'il avait déshonoré Mélie. « Nous ne savons pas, dit Bouvard, ce qui se passe dans notre ménage, et nous prétendons découvrir quels étaient les cheveux et les amours du duc d'Angoulême. » Pécuchet ajouta, « Combien de questions autrement considérables et encore plus difficiles ?» D'où ils conclurent que les faits extérieurs ne sont pas tout. Il faut les compléter par la psychologie. Sans l'imagination, l'histoire est défectueuse. Faisons venir quelques romans historiques.